ben pisto. Mais on a des sales souffres. On travaille pas de pisto. Donc on fait de l'argent si ça. Sachez qu'on a la rage au cœur, qu'on n'est pas prêt d'enfermer. Qu'il est 59 fois dans mon chargeur. Pour qui va être les tiens de sang. On va t'enfermer. Sache qu'on lance l'assaut pour les faire enfermer. Sachez qu'on a la rage au cœur, qu'on n'est pas prêt d'enfermer. Qu'il est 59 fois dans mon chargeur. Pour qui va être les tiens de sang. On va t'enfermer. Sache qu'on lance l'assaut pour les faire enfermer. Sachez qu'on a la rage au cœur. Thank you.